are you waiting? Where can I find my heart? Oh, oh, oh, oh, oh. I've been waiting. Je dois partir manger, je suis désolé. Je dois te quitter mon ami. L'américain, tu sais, tu joues bien des voix de ta patrie. Je te dis au revoir mon ami, au revoir. Je te souhaite une bonne soirée, oh, oh. Au revoir, je chante n'importe quoi. Goodbye. Goodbye.